ciel. Il est 14h et quelques secondes passées. Bonjour à vous toutes, nous sommes le mardi et puis aussi bien déjà la première semaine du mois de juillet. Voilà, ça passe un peu trop vite les mois. Voilà donc, et bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée et puis ainsi un bon début de semaine. Cet après-midi avec tout simplement des chansons françaises et un peu étrangères, avec toutes les chansons des années 80 jusqu'à maintenant. Et puis aussi un petit coucou pendant l'émission à des amis qu'on connaît très bien qui écoutent la radio. Ok, bien, sans plus tarder, on va débuter l'émission avec France Gall, avec Babacar, suivi d'autres chanteurs et chanteuses différents avec Lara Fabian après. leurs éclats parfois soudain, et les rechassent tes chagrins. Oh, on oubliait que quelques ailes les fers cachent dans nos cœurs. Comme dans un conte féerique, tu crus en cet amour magique te donna le bel enfant que tu rêvais depuis longtemps. L'amour efface ses visites pour doucement prendre la fuite. Oh, tu restes seul avec Syrienne, jurant de combattre pour. Où tu restais à l'hôpital, laissant ta petite orpheline qui pleurait sa maman câline. Je t'ai dépensé quelques fleurs qui t'avaient réchauffé ton pas seul dans ton linceul, papa est là tout près de toi, tout près de toi. Dites Nathalie, ma chérie. Arc-en-ciel. C'est de la chanson française. Vous écoutez Radio Arc-en-ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Combien de navires ont pris l'eau avant de toucher le rivage? Combien de soupirs de sanglots avant de guérir nos visages? L'adversité écorche nos rêves, qui trace nos parcours, nos histoires. Et pour qu'un nouveau jour se lève, partir avant qu'il soit trop tard, promis juré. Tout ira mieux demain. Attendons l'aube, si tu veux bien, tout ira mieux demain. Combien de nuits pleines d'éclairs avant de connaître les grands jours? Combien de lumières éphémères avant celles qui brillent pour toujours? Pourquoi se priver d'être nous, de faire ce qu'on fait de mieux, puisque mes espoirs les plus fous vivront à travers vos yeux, promis juré. Tout ira mieux demain. Point de départ, car c'est là que j'ai trouvé Annabelle. J'ai eu le big flash pour la belle Anna. Je croyais connaître tous les modèles, et j'avais mamzelle plus près de chez moi. Annabelle, oh, oh, oh, bon néné, belle à peau douce à toucher, Annabelle, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, Annabelle, le soleil sur la peau, Annabelle, oh, oh, oh, bon néné, belle à peau douce à toucher, Annabelle, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, Annabelle, le soleil sur la peau, tout ce qui la trouve belle Anna. Question lui dit, oh nana, faut pas compter sur Annabelle, pour visiter le Nirvana. Tout ce qui la trouve belle Anna, attention, cette fille est à moi, faut pas me piquer mon Annabelle, je deviens parano sans la belle Annabelle. Annabella, Annabella, Annabella. Tous les empires, mais voilà qu'Annabelle a des idées nouvelles. ça soit tout noir. Je passe mon temps à poursuivre Annabelle. Quand j'ai mis la main sur la belle Anna, elle se refait la valise de plus belle. Je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Annabella, la manie de bouger, Annabella, pas fini de changer. Annabella, elle est ici ou là, Annabella, attends-moi, attends-moi. Annabella, la manie de bouger, Annabella, mis le feu au plancher. Annabella, où es-tu, que fais-tu? Annabella, je suis perdu, je suis foutu. Ceux qui la trouvent belle Anna, pas question de lui dire oh nana. Faut pas compter sur Annabelle pour visiter le Nirvana. Ceux qui la trouvent belle Anna, attention cette fille est à moi. Faut pas me piquer mon Annabelle, je viens parano sans la belle. Annabella, bon popo bon néné, Annabella, la peau douce à toucher. Annabella, tout ce qu'il faut, Annabella, que le soleil sous la peau. Annabella, bon popo bon néné, Annabella, la peau douce à toucher. Annabella, tout ce qu'il faut, Annabella, le soleil sous la peau. Y'a eu Célimène, ouais, et aussi Wasman, ouais, y'a eu Adrien, ouais, et aussi Lucie, ouais, y'a eu Joséphine, ouais, et puis Léontine, ouais, et même Valentine, ouais, et puis Amélie, ouais, et Marie Galin, ouais, elle était charmante, ouais, oh mais la plus belle, ouais, c'est bien Annabelle. Hervé Villard et puis suivi de Jolassin. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne, ô Sainte Marie que j'aime. Y'a danger pour l'étranger. T'as sur le front la croix de ton village, et de grands yeux noirs qui me dévisagent. Qui t'a donné ce déhanché, toi qui es né entre les vignes et les champs d'olivier. Dans ta famille on aime les orages, les flamants roses et les chevaux sauvages. Ensoleillé, ensorcelé comme le sont tous les gens du voyage. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré. Il y a danger pour l'étranger. Parfait le poème, je l'aimerai puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne, au Saint-Paris que j'aime. Y a danger pour l'étranger, mais j'ai envie de courir dans les vagues et de crier sous le ciel de Camargue. Qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu-pied au milieu des gitanes. À la tombée du jour, le feu, les flammes ranime l'amour dans le cœur des femmes. Quand tu es triste, un guitariste, un violoniste est toujours là pour jouer du vague à l'âme. Viens me rejoindre à la nuit, être en garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré. Y a danger pour l'étranger. Méditerranéenne, les guitares se souviennent, la mer est dans la plaine, ô Sainte Marie que j'aime. toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent. Ils ont leur âme de travers, tout est célibatérios. Que pommes parmi les pommes, laisse-les rouler jusqu'au brouillard. Grandis en ce monde, en toi-même, riche d'un petit tiers du chemin. Soigne ceux qui te rend sereine et fais de tes mains ton demain. Je sais, il faudra qu'il soit fort, celui sur qui tu poseras tous tes doutes et tous tes encore. Il faudra qu'il fasse avec ça, mais quelqu'un. Bonjour à l'Élise, Pam, une amie de Thionville. Voici une reprise de chanson qu'elle chante, c'est Céline Dion. Et puis, juste après, une autre chanson, tout simplement, elle, c'est Céline Dion et Jeff Fiesta. Qu'il sera grand, mais qu'il a bien le temps. Oh Dieu. s'apprend le bien, le mal et même le bonheur. Qu'il ne perde jamais ses yeux d'enfant devant trop de malheur et de laideur. Qu'il regarde avec son cœur. Je lui dirai d'être sage et prudent, d'aller frôler les glaces et les feux. Qu'il goûte à tout mais sans jamais dépendre. Que trop peut être pire que trop peu, ou bien pire que trop peu. Hey! Et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand. Qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien lui qui est pour moi. Je lui dirai les chansons, les poèmes, il n'y a pas d'être sans histoire. Que le bonheur est un train que l'on sème, qu'amour et santé ne s'achètent pas, et qu'on est riche que de ça. Je lui dirai que j'aurai viendra l'aimer et qu'il l'aimera. Que j'en mourrai de bonheur ni de larmes, mais que nous serons là pas à pas pas. Que si la vie s'éloigne, et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand. Qu'il est beau, que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains. Yeah. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et bien, je vous laisse avec tout simplement les sœurs jumelles d'Afrique avec Love You et puis François Feldman. Yeah. Bonjour tout simplement à Mamie Fernande et puis ainsi à Azouad et puis à Mel. Donc voici quelques musiques qui est chanson de chez eux. Vagabonde dans ce monde Il faut que tu leur pardonnes, mais si tu les abandonnes, que seront les hommes sans l'amour que la vie leur donne? Que seront les hommes s'ils se donnent pas de l'amour ensemble? Tu reviens, il te voit mais il t'ignore. Puis il te rejette au loin, font danser leur corps encore. De tristes refrains sans fin. Vol de la colombe. Un petit bonjour à Florian. Et voici quelques morceaux portugais. Um dia lá ficamos na estrada.

Voici donc, il s'appelle Alain Chousson, puis Kenza en duo, et puis juste après eux, ça sera Mélanie Touja. Moi, je voulais pas venir, je voulais pas venir. Et puis on m'a dit que c'était pour rire. Un film joué, une télé, du playback complet. Moi, je veux bien rire, faire les pieds au mur, embrasser des filles dans les voitures, en recevoir, en donner, faire semblant d'être gay. Mais c'est du vrai sel dans l'eau des yeux, du vrai amour qui rend malheureux. Un cœur vrai, du sang vrai, de petits enfants que j'ai. Manivelle tourne, un drôle de cartoon. Manivelle tourne, mais c'est ma vraie vie qui tourne. Manivelle tourne, combien d'années encore? Manivelle tourne, déjà j'aime plus mon corps. Manivelle tourne, je suis maquillée pâle. Manivelle tourne, je savais que ça finirait mal. Hey, gros producteur fumé de cigares, raconte un peu la fin de ton histoire. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ris, comment ça finit? Manivelle tourne, un drôle de carton. Manivelle tourne, et c'est ma vraie vie qui tourne. Manivelle tourne, combien d'années encore? Manivelle tourne, déjà j'aime plus mon corps. Manivelle tourne, je suis maquillée par un patron. Manivelle, c'est ma vraie vie qui tourne, ça finirait mal. Manivelle tourne, un jour les papilles. Manivelle tourne, mais c'est ma vraie vie. Y'a pas d'histoire. Manivelle tourne, y'a des chiens d'années encore. Manivelle tourne, déjà j'aime plus mon corps. Déjà ma beauté s'est dit. Manivelle tourne, j'en viens sans finir ce bal. Manivelle tourne, un drôle de cartoon. Manivelle tourne, mais c'est ma vraie vie qui tourne. Manivelle tourne, combien d'années encore? Manivelle tourne, déjà j'aime plus mon corps. Juste gagner notre pain. Moi sur les bancs de l'école. Tu sais, ce n'est pas très drôle. Je t'attends la nuit, le jour. J'ai froid quand j'ai peur. Papa, je t'attends quand t'es pas là. Je sais pas. Mon cœur, je cherche toujours tes bras. mes yeux est bien trop court. Je t'attends la nuit et le jour. J'ai froid quand j'ai peur, papa. Je t'attends quand t'es pas là. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui vient Johnny Balayou. Samedi soir c'est le même rituel. Ça paie comme un jungle. C'est rendez-vous chez Tiberi. Après on va chercher Caro. Direction Bonnie discothèque. Décoller faut attaquer. Et déjà minuit. La semaine dans sa tête Caro. Il pense à son sourire où qu'il aille. Il parle de la qui veut entendre. Oh Caro. Non sans jamais s'arrêter. Elle aime danser à ses côtés. Johnny c'est son pouce de zèle. Oh Caro. Johnny Bilayo devient fou face à Caro. Johnny Bilayo craqué dans sans le maillot. Johnny Bilayo devient fou face à Caro. Johnny Bilayo craqué dans sans le maillot. Johnny Bila danse le taquere. Caro Bella danse le taquere. Oh, main dans la main pour la vie. Oh, Johnny Caro sont amoureux. Non, il n'y a pas de différence. Quand l'amour te met en transe. Il est né là-bas, elle est née ici. Il n'y a plus de différence. Oh, la semaine dans sa tête, Caro. Il pense à son sourire où qu'il aille. Il parle de là, qui veut l'entendre. Oh, Caro. Elle danse sans jamais s'arrêter. Elle aime danser à ses côtés. Johnny se sent pousser des airs. Oh, Johnny Bellaio devient fou face à Caro. Johnny Bellaio craque et danse sans le maillot. Johnny Bellaio devient fou face à Caro. Johnny Bellaio craque et danse sans le maillot. Johnny Bellaio. Johnny Bellaio devient fou face à Caro. Johnny Bellaio craque et danse sans le maillot. Johnny Bellaio devient fou face à Caro. Johnny Bellaio craque et danse sans le maillot. C'était mieux maintenant, c'était beaucoup mieux qu'avant. Mais maintenant, c'est déjà avant. Le temps d'y repenser un instant. Que c'est déjà après, quand l'horloge nous pousse devant. Si je recule pourtant, je ne remonte pas le temps. Quand j'ai envie de voir le jour, même si lui-même est capricieux. Quand les nuages sont si lourds qu'ils jettent leur peine dans nos yeux. Quand le soleil nous dit bonjour, ça me rassure quand même un peu. Quand l'espoir fait vivre à nouveau tous nos poèmes. Quand ton amour me donne envie de dire je t'aime. Je t'aime un peu quand c'est pluvieux. Je t'aime tant. Il avance sans moi. Le temps de dire, le temps de faire, que parfois ça n'est plus là. Le temps de réagir pour éviter l'accident. Le temps qui nous échappe et le temps qui nous manque. Et ne pas précipiter. J'ai envie de voir le jour, même si lui-même est capricieux. Quand les nuages sont si lourds qu'ils jettent leur peine dans nos yeux. Quand le soleil nous dit bonjour, ça me rassure quand même un peu. Quand tout s'éclaire, un court instant entre deux scènes. Quand ton amour me donne envie de dire je t'aime. Je t'aime à deux quand c'est pluvieux. Je t'aime à mort quand je m'en veux. Je t'aime à tort quand j'ai un creux. Je t'aime tout, je te déteste pas du tout. Je t'aime fou quand j'ai pas le droit. Je t'aime nous quand t'es pas là. Je t'aime à cran quand j'ai sommeil. Je préfère dire autant qu'il avance. Je t'aime un peu quand c'est pluvieux. I'm Je t'aime quoi qu'il en soit. Voici Sandrine Fleur et puis suivi de Jean-Louis Simiti. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. marché le long de la plage humide. Elle a dit banco au vieux casino vide. Donner ses derniers roubles au croupier pour un regard nuit de Chine étonné, étonné. Maintenant elle ne sait plus où aller, c'est trop tard pour reculer. Maintenant elle ne sait plus où aller, les dés sont jetés. Peut-être aller prendre un café pour encore un peu traîner. Elle a relu quelques cartes postales qui restaient là au fond d'une malle. Donner son congé au postier pour un regard nuit de Chine étonné, étonné. Maintenant elle ne sait plus où aller, c'est trop tard pour renoncer. Maintenant elle ne sait plus où aller, les dés sont jetés. Peut-être aller téléphoner pour encore un peu parler. Écouter résonner ses pas dans le hall de l'hôtel Panama. Dis merci pour tout au portier pour un regard nuit de Chine étonné, étonné. Maintenant elle ne sait plus où aller, c'est trop tard pour oublier. Maintenant elle ne sait plus où aller, les dés sont jetés. Peut-être aller le retrouver pour encore un peu l'aimer. Où aller? Où aller? Peut-être aller le retrouver pour encore un peu l'aimer. Tu connais tes origines.

criant. Lancer des bâtons sur les oiseaux, sur les gens. Ta mère et moi, on ne s'aime plus. J'espère qu'un jour tu verras. On ne pouvait pas faire autrement, même pour toi. Ne va pas croire que c'est de ta faute. Juste des gens normaux, comme les autres. Qui ont essayé, mais qui n'ont pas pu. Qui se sont adorés, mais qui ne s'aiment plus. Surtout pas que tout est fichu, ni que ta mère et moi on ne t'aime plus. J'ai écouté tout simplement Isa Mazenon. Voilà, donc il sera ce soir à partir de 20h au centre Célébertique à Paris, dans le 10e arrondissement, près du théâtre, avec bien sûr qui chantera ses nouvelles chansons. Dans le 9 plus 3, pas de fric, c'est ainsi. Une maison, c'est ma raison, c'est ta raison, c'est ma raison, c'est ta raison, ta raison. Le 6 se glisse dans le 9, 3 fois 3, c'est mon droit. Pas de tracas, pas de tracas. 1, 2, 3, 4, 5, moins 3, moins 6, moins 2, moins 3, moins 5. Un 9 dans le 6, un 6 dans le 9 plus 3. Pas de fric, c'est ainsi. Une maison, c'est ma raison, c'est ta raison, c'est ma raison, c'est ta raison, c'est ma raison. Le 6 se glisse dans le 9, 3 fois 3, c'est mon droit. Pas de tracas, pas de tracas, pas de tracas. Voici tout simplement Indochine. n'y a plus de place pour qu'elle puisse grandir davantage. Elle avait juste un ennui, c'est de comprendre les jours de pluie. Mais je suis là. Et puis juste après, on écoutera trois titres différentes et un petit bonjour à Seb, Sébastien. Si m'écoute, voilà donc trois titres différentes pour lui. De lui, il a toujours été mon meilleur ami. Il est au-dessus de moi. Le soleil, je peux le regarder dans les yeux comme tu regardes les étoiles dans la nuit. Il est ma force et mon Dieu. Le soleil, il m'a brûlé. De mon soleil, il m'a brûlé la peau. Je cherche le bonheur. Il a brûlé ma vie. Donne-moi ta chaleur, ta chaleur. Comme le soleil. Dans un rayon laser, je vais l'attraper et tu pourras caresser. Le soleil, tu auras le secret, mais n'en parle à personne. D'ailleurs, tu détruirais le numéro du code. Il est plus fort que nous hommes. Le soleil. Je t'aime autant que lui, pourtant tu me fais peur. Comme le soleil, je veux brûler ma peau, toucher le bonheur. L'amour est un ghetto, aujourd'hui je suis seul. Seul, comme le soleil, comme le soleil. así, esta manera. No tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado. Por eso no te pretendo llorar. Ese amor llega así, esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta es una gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Tu restera mon port d'attache. En pèlerinage, je monte les marches pour remercier notre bonne mère. Marseille, oh, oh, oh. Sentir ton souffle sur mon corps. Marseille, oh, oh, oh, oh. Marseille, oh, oh, oh, oh. Marseille, oh, oh, oh, oh. Marseille, oh, oh, oh. Marseille, toi qui possèdes tous les secrets de nos. Mes parents, mes enfants, te vénèrent chaque jour. Devenu Marseillais, je comprends leur fierté. La FM en couleur. Voici donc eh bien deux morceaux de country, puis juste après en duo avec David Hasselhoff et Nadège. Ok, Corel. Ok, Corel. Stand okay, Corral. Oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? From the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral. Boot Hill, Boot Hill. So cold, so still. Side, the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK Corral. Saturday's party is Sunday's fight. Something's wrong with you and I. Love's gone wrong, that used to be right. And I can feel it slipping away. slipping away. It'll be gone in a few more days if we don't stop this love of ours from slipping away. Wednesday's kisses are Thursday's frowns. We can't live 2 days in a row when our world's not upside down. Here we stand watching it go, and I can feel it slipping away, slowly, slowly slipping away. It'll be gone in a few more days if we don't stop this love of ours from slipping away. Sugar is sweet some of the time. This puzzle's missing a piece or two. We've got the grapes, but never the wine. And I can feel it slipping away, slowly, slowly slipping away. It'll be gone in a few more days if we don't stop this love of ours from slipping away. Stop this love of ours from slipping away. Comme tous les soirs, elle pense à nous. Et je sais qu'à l'instant même, elle est au rendez-vous. Du haut du ciel, comme un appel, elle tend sa main, l'amour de mer n'a pas de voix. Papa, dis-moi, c'est comment le ciel? Où est maman? Je me serrais fort contre elle. J'en suis seul. Parle-lui de toi et elle saura comme tu l'aimes. Papa, dis-moi, c'est comment le ciel? Où est maman? Je me serrais fort contre elle. Au ciel. Papa est là, à le pleurer, non, il n'est pas question, oh non.

Depuis toujours, elle berce mon enfance. Courir dans ses rues, goûter sa lumière. Grandir ici, dans le sud de la France. Entendre chanter les accents de la mer. Je viens d'ici, je suis une fille du soleil. Je danse sur le sable, dans le bleu du ciel. Mes sourires dans les vagues. Bien, mueve tu cuerpo, ahora vamos pa gozar. Aprovecha el momento, en la arena del mar. Racine, ses couleurs représentent ma fierté de vivre. Bailando en mi respiración y mi sonrisa, y nada nos separará. Es mi Eldorado. Fille du soleil, je danse sur le sable, dans le bleu du ciel, mes sourires dans les vagues. Bien, mueve tu cuerpo, ahora vamos pa gozar. Ahora vamos pa' gozar. Aprovecha el momento en la arena del mar. Une fille du soleil, je danse sur le sable, dans le bleu du ciel, mes sourires dans les vagues. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà donc DJ Cash, et juste après ce sera Rock Voisine. Thank you. Et si j'ai tort de lire dans tes pensées où rien de beau ne m'échappe à part toi, et seul quelques silences m'effleurent encore quand je dors. Je n'ai plus de raison d'aimer.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Eu sou empresário e sei separar o trigo do joio. Eu sou cientista e sei que o sucesso é fruto de muito trabalho. Eu sou estudante e acordo com as galinhas. Eu sou professora de bodyboard, trabalho de sol a sol. Nós somos a geração que não fica à espera e o que nos distingue não é aquilo que fazemos, é a fibra de que somos feitos. Crédito Agrícola, o Banco Nacional, com pronúncia local. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Gosto de sentar pedrinha. Sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha. Pois passo o dia sempre a dar a martelada. Et Israël Pavé Igor est le spécialiste du pavage, la création d'allées, de clôtures, de terrasses et dans la maçonnerie. Israël Pavé Igor saura vous conseiller sur le choix des pavés granit, type, couleur, disposition, afin de vous fournir des prestations personnalisées à la hauteur de vos attentes. Nos prestations sont dédiées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. S.A.R.L. Pavé Igor, 59B, route nationale 20, 45 520 à Sercotte. Au 02 52 16 09 93 ou au 06 06 67 31 34. Pavé Igor recherche actuellement un poseur de pavés avec expérience. Pavé Igor procure actuellement un carroceiro com experiência. Contacte já au 06 06 67 31 34. SRL Pavé Igor, 59 route nationale 20, 45 520 Sercotte. 02 52 16 09 93 ou 06 67 31 34. Nem é preciso estudar. Voilà, donc il est tout pile bien 16h49 minutes, et bien là, l'émission touche à sa fin. On se retrouve prochainement, et puis donc, et ben, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Nous allons cruiser. só por um segundo vais sentir no meu olhar aflito e profundo que eu me quero salvar.